Dis-toi que c'est une connerie peut-être, mais mec, même tout le monde nous associe. Genre quand on fait un truc, Godier tout seul. Putain, les mecs qui parlent de rap, ils savent même pas rapper. Tu fais un truc tout seul, Ken. Ça veut dire que même dans le rap, tu vois, ça doit se ressentir. Si t'aimes pas ou... Tu vois que c'est sur le faux, tu sais point. Le Luxembourg, c'est pas Bangkok. Tu veux la vie à Tony Montana, tu t'es trompé d'époque. C'est fou comme je te fuck. En attendant, ferme tes dents, passe-moi une clope. Une feuille, un fil que je tire. Deux, trois lattes pour ces putains de flics. Et dis à ta copse d'arrêter de m'envoyer des pokes. Sérieux, c'est relou, un peu comme cette prod. Pas de pitié pour les wacks dans le hip-hop. Arrête ton rap, fais peur, mec, le mien c'est du Hitchcock. Puis y'a ces petites connes qui se croient super bonnes. Pas besoin de caméra pour se la jouer sitcom. Ce qui compte, défoncer pour que ton putain de rap à la fin pèse 6 tonnes. Roule la ouinche d'une beuh qui colle. Sors la picole, sors la skill, on s'en bat les guibolles. En mode je te sors un couplet qui cogne. Je le fais seul tout au lieu de faire un feed bof. Ainsi je donne l'impression qu'au luxe y'a du rap. Genre, y'a juste moi et 5-6 potes. Ouah, quelque chose qui cloche. J'ai plus de couplets que t'as de chansons dans ton hip-hop. Vous êtes en manque d'un spi moche. J'aurais fait la même sur un beatbox. J'ai pas envie de faire une illusion. J'ai envie de rapper ce qui se passe vraiment. Et comment c'est vraiment, ça veut pas vraiment dire. En fait, c'est quand je dis